إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوة الإسلام، هذه الجلسة في وصايا لأبي الدرداء رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فهنا الله عز وجل سكور كونساكري وكونسيد أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فالله سبحانه وتعالى اختار فيما اختار رجالا صالحين لصحبة محمد عليه الصلاة والسلام، اختارهم وهو جل وعلا يختار ما يختار لفضل منه جل وعلا ولحكمة، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيار. دونك الله سبحانه وتعالى إلي كي il veut, choisi كي il veut. Et il a choisi des pieux, des hommes pieux pour l'accompagner de son messager عليه الصلاة والسلام. Il les a choisis pour les vertus qu'ils avaient et pour un but bien précis. Ce que Allah subhanahu wa ta'ala sait. Et il est dit dans Surat Al-Qasas, ton Seigneur crée ce qu'il veut. Il choisit et personne n'a le choix. Wa sahabatu Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam مدرسة عظيمة تربى عليها الناس فيما بعدهم، تربى عليها التابعون إذ رأوا أفعالهم وأخذوا أقوالهم وتدارسوها، وتربى عليها العلماء والصالحون فيما بعدهم حيث نظروا في أقوالهم أخذوها دروسا وجعلوا يتدبرون ويتأملون فيها. وليس من عجب أن كان ذلك كذلك، لأنهم الصحب الكرام الذين رضي الله عنهم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، ورغم أنف من يسبهم وينتقصهم ويبغضهم. Et les compagnons du prophète عليه الصلاة والسلام est une énorme école, une école géante dans laquelle se sont éduqués leurs successeurs, dans laquelle se sont éduqués beaucoup de gens, parce qu'ils ont vu leurs actes, ils ont pris leurs paroles, ils ont étudié leurs paroles, ils ont médité leurs paroles, ils se sont éduqués sur leurs paroles, ils sont devenus des savants et des pieux. Il n'y a rien d'étonnant que ce soit ainsi, que cette école, l'école des compagnons du prophète alayhi sallam, que ce soit leurs actes et leurs paroles, forment des hommes de science et des pieux, parce que ce sont eux les hommes qu'Allah subhanahu wa ta'ala a agréés. Il a dit d'eux, Allah subhanahu wa ta'ala a agréé les croyants quand ils te font l'allégeance sous l'arbre. Dans Surat Al-Fath. Ça, c'est notre école. Ça, ce sont nos modèles. Si nous devons chercher un modèle, c'est dans ces hommes-là. Tel Abu Darda, Omar ibn Khattab, Khalid ibn al-Walid, Abdullah ibn Abbas, Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu, Aisha radiyallahu ta'ala anha, Hafsa عبد الله بن عمر، أبو هريرة، سلمان الفارسي، أبو الدرداء وغيرهم كثير رضي الله عنهم وأرضاهم. هذه مدرستنا وهذه أمثلنا. Ça c'est notre école. Les exemples que nous devons prendre, c'est en cela. Faut pas aller chercher. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a donné le mieux. Pourquoi aller chercher le plus vil et le plus bas? Allah subhanahu wa ta'ala, il a élu pour nous un modèle qui a été éduqué par Mohammed alayhi salatu wassalam et qui a transmis comme il se doit la religion d'Allah azza wa jal et qui l'a mise en application comme il se doit et qui l'a comprise comme il se doit. Pourquoi aller chercher ailleurs? Pourquoi aller chercher dans le kharabet de la poubelle de la pensée des humains qui n'arrive pas à la cheville de ses compagnons du prophète alayhi salatu wassalam? Pourquoi aller chercher des alternatives ailleurs? Il n'y a pas besoin d'alternatives. La compréhension de la religion, les compagnons l'ont transmise. Les croyances de cette religion, les compagnons l'ont transmise. La mise en application, le comportement, comment gérer les situations, comment gérer le social, etc. On n'a pas besoin d'autres modèles. Les modèles sont là. Il faut ouvrir les yeux. Hein? Il faut, mettre du gel pour essuyer ses glaces. Mettre de l'antigel, pour que la situation devienne plus claire. Là, ils sont les modèles. Allah subhanahu wa ta'ala les a agréés. Allah subhanahu wa ta'ala a fait que leur chemin, c'est le seul chemin qui amène à l'agrément d'Allah azza wa jal. Pourquoi aller chercher ailleurs? Pourquoi se fatiguer? Pourquoi tant de peine? وكان منهم رضي الله عنهم المهاجرون وكان منهم الأنصار والأنصار كانوا أنصارا لرسول الله جل وعلا نصروا دينه لما تخلت عنه عليه الصلاة والسلام قريش وتخلت عنه القبائل فيما حول مكة فأقبلوا على دين الله ونصروه بألسنتهم ونصروه بأعمالهم ونصروه بسيوفهم وأرواحهم فرضي الله عنهم أجمعين كفاء ما بذلوا وكفاء ما عملوا وكفاء ما أدوا لهذه الأمة ونقلوا دين الله إلى الناس أجمعين. Parmi ses compagnons du prophète عليه الصلاة والسلام, il y a eu ceux, les muhajiroun, les premiers qui ont laissé les leurs à la Mecque, laissé leur maison, laissé leur famille. Ils sont partis avec le prophète عليه الصلاة والسلام pour faire triompher sa religion et pour sauver leur religion. Et parmi eux, les alliés de Mouidil, Ansar, qui les ont accueillis et qui leur ont dit refuge et qui les ont aidés à faire triompher la religion d'Allah Azza wa Jal. Et qui étaient les alliés de Mohammed alayhi salatu wassalam. Et qui étaient ses aides à faire triompher cette religion d'Allah Azza wa Jal. Au moment où Quraysh et toutes les tribus ont délaissé le prophète alayhi salatu wassalam, ont déclaré la guerre à Mohammed alayhi salatu wassalam. Ils ont accouru, ses compagnons, que ce soit le Mouhajir ou l'Ansar, ils ont accouru vers la religion d'Allah Azza wa Jal. Ils ont fait triompher cette religion avec leur langue, avec leurs actes, avec leurs épées, avec leur âme. Allah subhanahu wa ta'ala les a agréés, que Allah subhanahu wa ta'ala les a agréés tous. Que Allah subhanahu wa ta'ala les récompense comme il se doit pour les efforts qu'ils ont faits pour cette religion. Qu'il les récompense pour tout cet héritage qu'ils ont laissé à la communauté de Mohammed alayhi salatu wassalam, puisqu'ils ont transmis cette religion à travers la planète, aux gens, à tous les gens, sans distinction de race ni de couleur. Ils ont traversé les mers, ils sont arrivés en Asie. Et le compagnon qui a conquéri le Maghreb est arrivé jusqu'à l'Atlantique, il a dit, si je savais qu'il y avait d'autres gens de l'autre côté, j'aurais traversé avec mon chevau et avec mon armée. Tout ça pourquoi? Pour transmettre la parole d'Allah Azza wa Jal. Pour appeler les gens à adorer Allah uniquement et à réserver leur culte exclusivement à Allah Azza wa Jal. كان من هؤلاء من وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه حكيم هذه الأمة. فيما روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم من وجه مرسل فقال عليه الصلاة والسلام حكيم هذه الأمة أبو الدرداء. وأبو الدرداء كما رأينا البارحة صحابي جليل من الأنصار خزرجي اسمه عمير بن زيد بن قيس وقيل عويمر بن عامر عويمر بن عامر كان عبدا صالحا وكان سيدا من سادات القراء لم يجمع من الصحابة القرآن كاملا على عهده عليه الصلاة والسلام إلا نفر قلائل وهم أربعة ومنهم أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه. Il fait partie de ces nobles hommes et de ces nobles compagnons du prophète alayhi salatu wasalam, un que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a désigné étant le sage de cette communauté. Dans un hadith mursal, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit que le sage de cette communauté c'est Abu Darda, radiyallahu anhu wa arda. Ce noble compagnon qui était parmi les alliés de Médine et qui faisait partie de la tribu de Khazraj, il était Khazraji. Il s'appelle, rappelle-toi de son nom, ce sont ces noms-là que tu dois retenir. Non pas Zaza et Zozo. Uwaymir. Umayr. Ibn Zayd. Ibn Qais. Et on a dit aussi Uwaymir ibn Amir. Ça, c'est des noms que tu dois retenir. Et non le Kharabit. Il était un serviteur pieux. Il était un noble parmi les nobles, les mémorisateurs du Coran, un savant. Et à l'époque, durant la vie du prophète, alayhi salam, peu de compagnons ont réuni le Coran en entier durant la vie du prophète, alayhi salam. Ils étaient quatre. Et parmi ces quatre, il y avait Abu Darda, radiyallahu anhu wa arda. Aslama Abu Darda, radiyallahu anhu, yawma badr, bil Madina. وشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد والمشاهد بعدها ولما رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم حاله يوم أحد وحاله في دفاعه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما تفرق عنه الناس قال نعم الفارس عويمر هذا الوسام وسام الشرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم من الذي لا ينطق عن الهوى أبو الدرداء عويمر رضي الله تعالى عنه وارضاه سي كونفيرتي على الإسلام il est rentré dans l'islam le jour de la bataille de Badr à Médine et après il a fait toutes les batailles avec le prophète عليه الصلاة والسلام et le Rasoul صلى الله عليه وسلم le jour de Hud où tout le monde s'est dispersé du tour du côté du prophète عليه الصلاة والسلام tout le monde s'est sauvé et que le Rasoul est resté au milieu du combat, Uwaymir était au milieu, défendait le prophète, alayhi salatu wassalam. Et le Rasoul, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, béni le cavalier et le combattant Uwaymir. Ça, c'est le galon d'honneur. Ça, c'est, comment ils appellent ça? Les grades. Le meilleur des grades. Il est sorti d'où ce grade? Qui l'a donné? La plus noble créature d'Allah, azza wa jalla. Et l'homme qui ne parlait pas de ses propres passions, qui est le dernier des messagers d'Allah Azza wa Jalla. Hada, c'est l'honneur, parfait, complet. Wa kana Abu Darda baytan lil hikma wa baytan lil ilm. Wa li hada wallahu Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu qada'a Dimashq. Wa tufiya radiyallahu anhu fi Dimashq fi akhir khilafati Uthman radiyallahu an Uthman wa an sa'ir sahabati Rasulillah. ورغم أنف من يبغضهم أبو الدرداء était une sagesse était une maison de science une maison de sagesse c'est pour ça qu'Omar ibn Khattab l'a utilisé en tant que juge à Damas et il est mort à Damas vers la fin de la khilafa de Uthman radiyallahu an Uthman et radiyallahu an tous les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam, qu'on déplaise à ceux qui les détestent, et que Allah subhanahu wa ta'ala coagule le sang des rawafid qui détestent et qui insultent les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam. Que Allah subhanahu wa ta'ala leur envoie un déluge. Car le fait d'aimer les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam fait partie de la religion. Il fait partie de la foi et de la bienfaisance. Et le fait de les détester, c'est de l'hypocrisie. Et c'est de la mécréance. Et c'est dépasser ses limites. وكان لأبي الدرداء أصحاب، وكان يعظ الناس بكلامه لكي يتأثر الناس، وكان بعض الناس وكان يعظ الناس بعمله بعمل صامد، فجمع في الوعظ وجمع في العداية بين العمل والقول، وتأثر الناس بعمله وتأثر الناس بقوله رضي الله عنه وأرضاه. Il avait des amis et des gens qui étaient autour de lui. Et il donnait beaucoup de leçons aux gens. Et les gens étaient, on voyait l'impact des leçons qu'il leur donnait. Il ne leur donnait pas des leçons tout simplement au niveau de la parole par ses actes. Des actes qui émanent dans la source et le livre de Allah Azza wa Jal et l'authentique de la sunna du prophète alayhi salatu wa sallam, avec la compréhension avec Allah, avec laquelle Allah subhanahu wa ta'ala, il a comblé ses nobles compagnons. Du prophète alayhi salatu wassalam. Il a réuni entre le fait de donner des leçons, avec la parole et en même temps avec les actes. Et ça, ça a atteint beaucoup les gens. Et ça a influencé beaucoup les gens et son entourage. La parole et les actes, tout va de pair. Ainsi, ils étaient ses compagnons du prophète alayhi salatu wassalam. Wa innahu la mimma yanbaghi lana ayyuha al-ikhwa. أن ننظر في أقوال صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لننظر كيف نقلوا لنا هذا الإسلام غضا طريا قولا وعملا، كيف نقلوه قولا وعملا إلى الناس بعدهم إلى زماننا هذا. وكل صلاح يرجى في الناس فإنما يكون في النظر في حال صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Et ce qui nous incombe, nous autres croyants, et tout un chacun qui cherche la vérité, et qui veut la vérité, qui veut la voie de la vérité, c'est de méditer les paroles de ces nobles compagnons du prophète, alayhi salam. Et de regarder comment ils ont transmis l'islam. Et de méditer qu'ils ont transmis l'islam, paroles et actes, à ceux qui sont venus après eux et ont eu lieu en toute époque. Et tout bien qu'on doit espérer et que les gens espèrent ne viendra que quand ils méditeront comme il se doit sur la situation des compagnons du prophète alayhi salatu wassalam, sur leurs actes, sur leurs paroles, sur leur compréhension de cette religion. وعندما يتدارس الناس أقوالهم وينظرون في أعمالهم لأن في النظر في أعمال ما يجعل المرأة ذا همة قوية في طلب الحق وفي الجهاد والاجتهاد في العمل والعلم. وبالنظر إلى أقوالهم يكون المرء في مدرسة وفي تربية يفقدها إذا لم يقبل على أولئكم الصحابة رضوان الله عليهم، يدرس أقوالهم ويتدبرها ويفهمها. Et donc, dans le fait d'étudier leurs paroles, et dans le fait de méditer leurs actes, cela, quand ils regardent les actes des compagnons du prophète, ils les méditent. Cela doit faire naître dans la personne un leitmotiv qui va le pousser vers l'avant, à chercher la vérité et à faire des efforts dans ses actes et dans la demande de la science. Et à regarder et à méditer encore plus dans leurs paroles. Et agissant ainsi, il va être dans une école de l'éducation que beaucoup n'ont pas parce qu'ils ne savent pas, ou là ils ne connaissent pas les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam, ils ne savent pas étudier et méditer les paroles et les actes du compagnon du prophète alayhi salatu wassalam. C'est notre école, on n'a pas d'autre école. Parce que la vie des compagnons, c'est pour ça que les hommes de science font parmi les cinquièmes points qui augmente la foi chez quelqu'un, c'est le fait de lire la vie des compagnons du prophète alayhi salatu wassalam, ceux qui les suivent à la perfection. Parce que c'est ce que tu lis dans les livres, dans Sahih al-Bukhari, dans Sunan, et ainsi de suite. Eux, c'est la traduction, c'est la mise en application. Donc le fait de lire leur vie, et de voir comment j'ai, tu es en train d'apprendre l'application de Sahih al-Bukhari, l'application de Sahih Muslim, l'application de Sunan Abi Daoud, et ainsi de suite. Parce que c'est eux l'origine de cette science. Hein? Et c'est eux l'explication comment les choses doivent être. Pourquoi? Parce qu'ils l'ont vécu directement avec le prophète, alayhi salatu wassalam. Ils voyaient le prophète faire. Et quand ils avaient un problème, c'est le prophète qui les sortit des problèmes. Quand ils avaient une ambiguïté, ou là quelque chose qu'ils n'avaient pas compris, le messager d'Allah, azza wa jalla, était là. Et quant à ceux qui sont venus après eux, ils ont beaucoup d'outils à apprendre avant d'arriver au but. Le compagnon n'a pas besoin, comme il a dit le Ibn Qayyim, à perdre du temps dans usul al-fiqh, ulum al-hadith, etc. La source est directe. Directement, il va dans la source. Maintenant, les nouveaux, combien ils perdent maintenant de temps à maîtriser l'arabe, à maîtriser les fondements de la jurisprudence usul al-fiqh, à maîtriser les sciences du hadith, etc. Combien de temps tu perds? Combien d'énergie? Le compagnon, il n'avait pas besoin de ça. L'arabe, il était ignorant. Lui, c'est sa langue. Il le comprenait directement. Le Coran est descendu avec sa langue. Le Rasoul Sallallahu Alaihi Wasallam parlait sa langue. Et s'il avait un problème, le Rasoul Sallallahu Alaihi Wasallam était là. Il est descendu un verset. Alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulm. Ceux qui ont cru qu'ils n'ont pas déguisé leur foi avec une injustice. Et ceci a été difficile pour les compagnons. Le Rasoul était là. Il les a sortis de là. Il a dit, ce n'est pas... Ils ont dit à Rasulullah, ce verset est difficile pour nous. Qui peut? Qui ne commet pas d'injustice sur lui-même, sur les autres, etc. Et dit Rasulullah, ce n'est pas ce que vous avez compris. Ama sami'tum qawla ar-rajuli salih, inna ash-shirka la dhulmun 'azim. Il les a rappelés, il leur a donné l'explication tout de suite. Vous n'avez pas entendu la parole de l'homme pieux, Luqman? L'association est une grande injustice. Ça y est. L'affaire est close, réglée. Hakala. Pour ça, on peut pas prendre l'indépendance et ne pas prendre la compréhension et chercher la compréhension du puiseur d'Allah, qui sont sahaba et ceux qui les suivent à la perfection. On peut pas, c'est impossible. On est une chaîne dans laquelle il y a des maillons. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, le maillon qui le suit, ce sont les compagnons. Leur successeur, c'est le maillon qui suit, et ainsi jusqu'à la fin des temps, jusqu'à la résurrection. On ne peut pas être un maillon d'or de la chaîne. C'est impossible. Sinon, on est indépendant. Et quand on est indépendant, qu'est-ce qui arrive? On s'égare. Qu'est-ce qui a fait égarer le Khawarij? Ils ont pris les armes contre Ali. Sinon, l'indépendance de la compréhension. Qu'est-ce qui fait égarer tous ces groupes égarés? C'est qu'ils disent, Roma, ce sont des hommes et nous, on est des hommes. On a une raison, ils ont des raisons. Hein? Mais... Il y a une grande différence entre la raison du compagnon du prophète, leur compréhension, leur maîtrise de cette religion, leur maîtrise des croyances, etc. Et les ministres qui nous entourent maintenant. Une norme. Donc ils respectaient la parole d'Allah, Zawajal, ils la mettaient en avant. Ils respectaient les actes et les paroles du prophète, ils les mettaient en avant. Donc ils mettent leur raison en avant. La différence est énorme. Il n'y a même pas à parler de différence. Il ne leur arrive même pas à la poussière qui tombe de leur cheville. Radouanullah alayhi. Abu Darda, akhal Islam, kana da hikmatin ghariba, wa kana da hikmatin baligha, wa lihada kana ibn Umar radiyallahu anhu yakoulu li ashabih, hadithuna anil aqilin. Kalu, yabna Umar wa min al aqilan, kala Mu'ad wa Abu Darda, radiyallahu anhu ibn Umar, ورضي الله عن معاذ ورضي الله عن أبي الدرداء ورضي عن صحابة رسول الله أجمعين. معاذ كان في شأنه في الإسلام وفي علمه بالحلال والحرام ما يعلم كل أحد. أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو الدرداء الله سبحانه وتعالى غريتي. Il avait une sagesse particulière et étonnante. Une sagesse profonde. C'est pour ça qu'Abdullah ibn Omar radiallahu ta'ala nous disait à ses compagnons, parlez-nous de ceux qui sont doués de raison. On lui a dit, Ya Abdullah ibn Omar, c'est qui ceux qui sont doués de raison? Il a dit, Mu'ad ibn Jabal et Abu Darda. Mu'ad ibn Jabal et Abu Darda. Mu'ad ibn Jabal, c'est une montagne de science. Rasoul Salah m'a dit de lui, le plus connaisseur de ma communauté de le licite et l'illicite, c'est Mouad ibn Jabal. Hein? Et après, tu entends Jama'at Tabligh, Sahaba, ils n'avaient pas de science. Ya akhal Islam, Sahaba, ce sont la source de la science. Sans Sahaba, tu n'aurais pas Sahih al-Bukhari, tu n'aurais pas Abu Daoud, tu n'aurais pas Tirmidhi, Sunan Tirmidhi, tu n'aurais rien du tout. C'est eux l'origine. Où sont parties vos raisons? Sahaba n'avait pas de science. Sahaba n'avait pas le Bukhari. L'origine d'il le Bukhari, l'origine d'il Tirmidhi, l'origine d'il Abu Daoud, c'est Abu Huraira, c'est Abdullah ibn Abbas, c'est Abdullah ibn Omar, c'est Abu Darda, c'est Abu Bakr, c'est Omar ibn Khattab, c'est Muawiya, c'est, ce sont les compagnons du Prophète alayhi salatu wasalam. Qu'on arrête d'embobiner la communauté, qu'on jette des ambiguïtés. Et ça, en disant ainsi, alors vous êtes en train de diminuer la valeur de ces compagnons du Prophète alayhi salatu wasalam. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de science. Qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Réfléchissez un petit peu. Vous tombez dans le dénigrement du compagnon du Prophète alayhi salatu wasalam sans le savoir. Peut-être que vous avez des bonnes intentions, mais là vous êtes en train de dénigrer les compagnons du Prophète alayhi salatu wasalam. Vos paroles, c'est un dénigrement du compagnon du Prophète alayhi salatu wasalam. أما أبو الدرداء أخ الإسلام فأقواله وأحاديثه في التربية وفي إصلاح النفس والمجتمع كثرت في كتب أهل العلم ونأخذ منها شيئا ليكون دليلا على غيره لعلنا نتعظ كما اتعظ أصحابه رضوان الله عليهم. كنت بقول يا أبو الدرداء إيه tout ce qu'il nous a laissé hein, comme parole, ce qui a été transmis, que ce soit dans l'éducation, le fait de purifier le nefs, et pour purifier la société, ceci dans les livres des hommes de science est nombreux, les paroles et les exhortes et les leçons d'Abu Darda, radiallahu ta'ala. On va voir certains, peut-être que ça va être des leçons pour nous. Hein? À mettre en application. Il faut qu'on les mette en application. On est là, on n'est pas là pour « il était une fois ». Hein? Fadma au pays des merguez pour s'endormir, là pour passer l'après-midi. Là pour prendre leçon et pour mettre en application. La science et les leçons que nous prenons, nous devons les mettre en application. Yaqulu رضي الله عنه وارضاه عبد الله بن عمر حجتنا عن العاقلين معاذ وابو الدرداء عبد الله بن عمر دي donnez-nous des discours et des paroles de ceux qui sont doués de raison معاذ يا ابو الدرداء تدرك تي les entends il te parle que des comiques qu'est-ce qu'il a dit celui-là herzid انت la liste est longue c'est même pas la peine des fois. C'est salir l'assise si tu prononces leur nom. Abu Darda radiyallahu anhu kana min aqwali an qal utlubu al-ilma fa in ajastum fa ahibbu ahlahu fa in lam tuhibbuhum fala tubghiduhum. Utlubu al-ilma fa in ajastum fa ahibbu ahlahu fa in lam tuhibbuhum fala tubghiduhum. Fait partie du conseil dont nous avons besoin. Cette parole de Abu Darda, qui a dit radiyallahu anhu wa arda, aimez la science. Et si vous êtes faible à la demander, vous n'avez pas les capacités, aimez les gens de science. Et si vous ne les aimez pas, ne les détestez pas. Hein? Aimez la science. Non, demandez la science. Et si vous êtes incapable, vous n'avez pas les capacités, aimez les gens de la science. Et si vous ne les aimez pas, ne les détestez pas. Demandez la science. Si vous êtes incapable, aimez les gens de la science. Et si vous ne les aimez pas, ne les détestez pas. فأين هؤلاء الذين يتنقصون من أئمة الدين من ابن باز والألباني والشيخ مقبل والشيخ ربيع أين هم من وصية أبي الدرداء رضي الله عنه وأبو الدرداء وصحابة رسول الله هم الأدلاء على الطريقة المنجية والتي توصلنا إلى رضوان الله. فهؤلاء التكفيريون وهؤلاء القطبيون وهؤلاء السروريون الذين يتنقصون علماء الأمة، أين هم من وصية أبي الدرداء؟ أليس هذا دليل على بغضهم لأهل العلم؟ Maintenant, ceux qui nous entourent parmi les Tkfiriyyin, les Qutbiyyin, les Sururites, les Yassinites, vas-y, t'as la liste longue, les Khouani, même Tabligh, qui insultent Ibn Baz. Certains parmi eux rendent mécréants Ibn Baz, ou l'Albani, ou l'Utaymiyyin, et qui insultent Cheikh Mokbil, Cheikh Rabi' et les grands machaïrs de cette communauté, et les récipients de sciences contemporaines de cette communauté. Où est-ce qu'ils sont de ce conseil d'Abu Darda? Abu Darda fait partie de ses compagnons du prophète alayhi sallam, dont Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que le chemin de ses compagnons soit le seul chemin qu'il agrée, qui amène vers son agrément. Maintenant, ils sont où par rapport à ce conseil d'Abu Darda? Ces Tkfiriyyun et ces Qutbiyyin, etc. Où sont-ils? Abu Darda, il dit, demandez la science, si vous êtes incapable de la demander, au moins, ne détestez pas les gens de science. Si vous êtes incapable de la demander, aimez les hommes de science. Et si vous ne les aimez pas, ne les détestez pas. Maintenant, viens. Je vais te montrer comment on éloigne les gens de science. Prends par exemple Zidakhézid. Agène, il y a de la place à nager. Par exemple. Dans certaines réunions, n'importe où, l'histoire se répète parce que tout est basé sur l'histoire chez Tabligh. Le jour de la réunion, le jour où ils vont sortir les jama'at, ils appellent ça le hidayat du matin. Les orientations du matin et les conseils du matin, le hidayat. Maintenant, comme il y a du monde, et pour que les jeunes ne tombent pas à aller chercher la science, etc., tout d'un coup, comme si c'est, tout est préparé. Toi, viens. T'étais où? Tu es sorti combien de temps? Je suis sorti 4 mois. Tu étais allé où? J'étais au Pakistan, j'étais au Bangladesh, j'étais chez les gorilles, j'étais. Masha'Allah, Masha'Allah, viens ici. Et l'autre, il se tourne. Il faut bien que... Ça a un but. Le but, écoute-le. Vous avez vu? Da'i l'Allah. Là où il passe, il fait du bien. Il est comme le nuage. Il passe et il verse son eau partout. Mais l'homme de science, le dénigrement de l'homme de science, c'est le fait de détourner. Mais l'homme de science, lui, il est chez lui. C'est comme le puits. Si tu es dans le désert, tu te retrouves dans un puits, mais tu n'as pas la corde et tu n'as pas le seau. Comment tu vas faire? Adal, l'homme de science, t'as vu comment il a, quelle image il lui a donné? Le puits dans le désert, l'eau profonde, et tu n'as pas de corde et tu n'as pas de seau. Dans ces cas-là, qu'est-ce qui arrive dans la pensée de ceux qui sont là, les naïfs qui sont là, et les jeunes? Les hommes de science, ils font rien. Donc il faut pas aller chercher la science. Il faut pas se tourner vers les hommes de science. Mais malheureusement, celui qui est doué de raison, réfléchis un petit peu à cette parabole qu'ils ont fait. Ils voient que cette parabole va alors. Et contre eux, le nuage en général. Des fois, du nuage, ils arrivent, ils ramènent de la tempête. Ils ramènent des orages. Ils ramènent de l'eau qui coule très fort. Qu'est-ce que ça fait? Des catastrophes. Donc, l'ignorant, lui, quand il fait dawa, qu'est-ce qu'il fait? Des catastrophes. Le puits, lui, il est creusé. Dans une région où il n'y a pas d'eau dans le désert, qu'est-ce qui se passe? Les animaux arrivent, ils boivent. Les oiseaux boivent. L'oasis naît tout de suite. Il y a une vie qui naît. Plus tu prends de l'eau dedans, plus son eau devient claire. Ainsi, il est des hommes de science, etc. Mais celui qui ne voit pas plus loin que son nez, il est content de sa parabole. Il se fait avoir, celui qui n'a pas d'immunité. Il se fait avoir par ce genre de parabole. Et donc, il dit, comme leur chef dit, les savants ne connaissent pas votre situation. Les savants sont goinfrés de poulet rôti, ils sont sur leur climatiseur. Ah, Oudoubillah, tu sais ce que tu es en train de dire. Oula, les savants ne connaissent pas votre situation. Ils ne savent pas les problèmes que vous vivez en Europe. Subhanallah, la législation d'Allah Azza wa Jal, il est la même. Donc selon la situation que tu étales à l'homme de science, il te donne ce que veut Allah Azza wa Jal, la sentence qui correspond à la parole d'Allah et à l'authentique de la sunna du prophète alayhi sallam. Et ainsi, avec ça, ce genre d'insinuation-là, on ne vient pas ou ne te dit pas déteste les hommes de science. Là, ils sont plus malins et subtils. Donc, c'est des insinuations ou des histoires. Hein? Et tu dois faire attention. Hein? Mais le naïf, le pauvre, qui a un amour pour l'islam, qui veut faire quelque chose, il se fait avoir. De là, l'amour pour l'islam, il doit être conditionné avec la législation. Notre sentiment et notre enthousiasme doit être conditionné par la parole d'Allah et l'authentique de la sunna et les règles de cette religion. Sinon, on fait n'importe quoi. Et on s'égare, et on égare d'autres, et on croit qu'on est dans le bien. Hein? C'est pour ça que ce genre de conseil, le conseil d'Abu Darda, nous devons le méditer. Le méditer, le mettre en application. يقول رضي الله عنه اطلبوا العلم فان عجزتم فاحبوا اهله فان لم تحبوا فلا تبغضوا. Ce genre de conseil, nous devons lui donner sa valeur. Aimez la science, demandez la science, et si vous êtes incapable, aimez les gens de science, et si vous ne les aimez pas, ne les détestez pas. وهذه وصية للأمة جمعاء لأن أشرف ما في هذه الأمة العلم. ثم رأيتم البارحة كيف الله سبحانه وتعالى شرف الكلب المعلم على الكلب غير المعلم وجعل أكل صيد الكلب المعلم حلال وغير المعلم حرام وهذا في كتاب الله عز وجل. Et ce conseil, ce noble conseil de... il est pour toute la communauté de Mohammed alayhi salatu wassalam. Car la plus noble des choses qu'il y a dans cette communauté, c'est la science du livre d'Allah et l'authentique de la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Et vous avez vu hier dans le cours de notre frère Ammar les points bénéfiques de la science. Le 23e point sur lequel on a terminé hier, c'était quoi? C'était que Allah subhanahu wa ta'ala a mis en avant le chien qui est dressé. Celui-là, ce chien dressé, hein, son gibier, quand il attrape le gibier, tu peux le manger, il est halal. Mais le chien qui n'est pas dressé, qui n'a pas de science, hein, tu ne peux pas. Hein, la différence. Il est dans la parole d'Allah Azza wa Jal. Wa ayyu ilm. Al-ilm, hada al-ilm alladhi yahza bi hadha al-sharaf. Ilmun billahi jalla jalaluh. Wa ilmun bi kitabillah wa bi sahih sunnati al-mustafa alayhi salatu wassalam. Inna hada huwa al-ilm alladhi umira Muhammadun alayhi salatu wassalam an yatluba min Allah an yazidahu minhu. Qala Azza wa Jalla li nabiyyih wa qul rabbi zidni ilma. Et c'est quoi cette science qui a cette valeur et cette honneur et cette élévation? C'est la science qui te fait connaître Allah. D'où l'énormité de ceux qui nous entourent qui disent le fait d'étudier les attributs d'Allah, Azza wa Jal, c'est secondaire. Tu sais ce que tu es en train de dire? Là, si je ne connais pas les attributs d'Allah, Azza wa Jal, comment je peux me rapprocher d'Allah, Azza wa Jal? Comment je peux avoir peur, si je ne connais pas la signification de ce que ça veut dire, l'ilm, l'alim, l'hakim, etc. Al-basir, al-samir. Comment je vais me rapprocher d'Allah, Azza wa Jal, par ses noms et ses attributs? Tu vois, les gens, ils sont insensés. Hein? Donc, la connaissance, cette science qui a cette noblesse, c'est la connaissance d'Allah. Et la connaissance du livre d'Allah et l'authentique de la sunna du prophète. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à son messager de faire un dua pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui augmente sa science. Il lui a pas ordonné de demander quoi que ce soit. Mais il lui a dit, qul rabbi zidni ilma. Et dit, mon Seigneur, augmente-moi la science. Hein? قال العلماء رحمة الله عليهم لم يأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يدعوه بالازدياد من شيء إلا من العلم. Il n'y a pas dans un autre verset où Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à son prophète de demander quelque chose, à part la science. C'est là où il lui a donné l'ordre de lui demander d'augmenter la science. وَأَهْلُ الْعِلْمَ مَرْفُوعُونَ دَرَجَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Et les hommes de science sont élevés dans ce bas monde et dans l'au-delà. Il est dit dans le verset, Allah subhanahu wa ta'ala élève ceux qui ont cru et ceux qui ont eu la science et ceux et les hommes de science à des degrés plus élevés. Il n'y a aucun doute que les savants font partie d'eux, des croyants. Et puisqu'ils font partie des croyants, donc ils sont cités dans ce terme général, croyants. Pourquoi il les a cités après, en particulier, pour nous montrer leur valeur. Ce sont des croyants. Mais pour nous montrer leur valeur, qu'ils ont... Ça, Omar ibn al-Khattab, quand il a vu l'émir qu'il avait sur la Mecque, à Médine, il lui a dit, qui t'a remplacé chez les gens du fleuve, chez les gens d'El-Wadi, c'est-à-dire chez les gens de Mecca. Il lui a dit, j'ai laissé derrière moi Ibn Abi Abza. Omar ibn al-Khattab lui a dit, mais qui c'est ce Ibn Abi Abza? Il lui a dit, c'est l'un de nos esclaves. Il lui a dit, ah bon, un de tes serviteurs, un de tes esclaves, tu l'as laissé là-bas. Il a dit, oui, parce que cet homme, ce Ibn Abi Abza, radiyallahu anhu wa arda, connaît le Coran et connaît la science de l'héritage. Et Omar ibn al-Khattab, quand il a entendu ça, il a dit, j'ai entendu votre prophète, alayhi salatu salam, dire, Allah subhanahu wa ta'ala élève avec ce Coran des gens et rabaisse avec d'autres. Allah subhanahu wa ta'ala élève avec le Coran des gens et rabaisse d'autres. Yahda Abu Darda radiyallahu anhu قال اطلبوا العلم فإن عجزتم لأن الناس ليسوا على حد سواء في أن يكونوا طلبة علم ومقبلين على العلم. إن عجزتم عن طلب العلم قال فأحبوا أهله لأن محبة أهل العلم تجعل المحب مع من يحب تجعله يسألهم ويقتدي بأقوالهم وأفعالهم ويكون ذا صلة بهم إن لم تحصل المحبة قال فإن لم تحبهم فلا تبغضوهم لأن بغض أهل العلم بغض لصفوة المؤمنين ولخيرة المؤمنين لأن الله جل وعلا أمرنا بمحبة المؤمنين جميعا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يعني بعضهم يحب بعضا وينصر بعضا وأولى أهل الإيمان بالمحبة أكثرهم خشية لله سبحانه وتعالى وأكثرهم علما الله سبحانه وتعالى يقول إنما يخشى الله من عباده العلماء. Donc, de là, ce conseil d'Abu Darda, radiyallahu ta'ala anhu warda, est très important. Il a une valeur énorme. Il a dit, demandez la science. Pourquoi demander la science? Parce qu'il sait. Lui, qui a été éduqué par Muhammad, alayhi salatu wa sallam, sait la valeur de la science. Demandez la science et si vous êtes incapable. Parce que les gens, dans leur capacité, ne sont pas identiques. Ils sont différents. Ah là, il a plus la facilité de la science, de la religion, etc. Ah là, il l'a moins. Ah là, son orientation, etc., il est fait pour la science du livre de Allah Azza wa Jalla. Et pour la science de la sunna du prophète. L'autre, il est fait pour autre chose. Et les gens sont différents, c'est la sunna d'Allah Azza wa Jalla. Et puisqu'il a dit, si vous êtes incapable, vous n'avez pas les capacités de demander la science, il a dit au moins, aimez les gens de la science, aimez les savants. Pourquoi? Parce que le fait d'aimer les savants, Hada va faire en sorte que tu vas être avec ceux que tu aimes. Avec ceux que tu aimes. Al-mar'o ma'a man ahab. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, quand le sahabi lui a dit, on ne peut pas faire tout ce que vous faites, etc., mais on vous aime. Il a dit, l'être humain est avec ceux qu'il aime. Si tu aimes les hommes de science, n'aie crainte. Tu aimes les hommes de science. Et l'amour des hommes de science, qu'est-ce qu'il fait naître? Il fait naître qu'on leur pose des questions, qu'on les prend comme modèle. Quand ils nous donnent une sentence, quand on a des difficultés, que ce soit dans son ménage ou là dans des ambiguïtés que nous recevons, etc., on se tourne vers eux, on leur pose des questions. Voici ce qu'il fait. Donc ce conseil d'Abu Darda, s'il veut un bien pour nous, pour que chaque fois, si on aime les hommes de science, chaque fois qu'on est dans une impasse, on a des difficultés, ben on pose la question pour sortir de la difficulté et des ambiguïtés à l'homme de science, à qui de droit, hein, et qu'on reste en relation avec eux. Et si on n'arrive pas à cet amour, qu'est-ce qu'il faut faire? Le conseil de Abu Darda, qu'est-ce qu'il dit? Ben au moins ne les détestez pas. Ne détestez pas les hommes de science. Parce que ce sont les crèmes, la crème de la communauté croyante et de la communauté musulmane. Et parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné d'aimer les croyants. Les croyants et les croyantes, les uns et les autres sont des alliés. Ça veut dire que les uns aiment les autres et font triompher les autres. Et en priorité, les gens qui on doit faire triompher, les gens de la foi. Et en priorité, les hommes de science. Et ceux qui ont plus de science, parce que plus ils sont dans la science, plus ils craignent mieux Allah Azza wa Jal, et plus Allah Azza wa Jal, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a décrété. Certes, ne craint Allah que les savants. Hein? Que ceux qui connaissent Allah comme il se doit, qui connaissent les lois d'Allah Azza wa Jal, etc. C'est pour ça que radiyallahu ta'ala anhu, il nous a orienté. Si vous ne les aimez pas, ne les détestez pas. Et au gars de tourne-nous à dos, qui rendent mécréants les grands savants de la communauté. À dos, il les aime. Il les rendent mécréants. Là, là, là. Tarot, a'oudou billah. Kafir, a'oudou billah. Sahel. Pour lui, rendre mécréants, c'est facile. Une parole. C'est tout. C'est comme il enlève une mouche de son nez. Ça ne lui coûte rien. Mais seulement devant Allah, Azza wa Jal, la situation est énorme. Parce qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, a élevé les hommes de science. Il est grand de cette communauté. Une communauté qui anéantit la valeur de ces grands. Une communauté qui n'aura pas d'honneur. Qui n'aura pas de gloire. وأي جناية أيها المسلم تجنيها على نفسك إذا أبغضت أهل العلم وكيف يكون بغضهم؟ Et quel crime tu commets vis-à-vis de toi-même, toi le croyant, quand tu détestes les hommes de science? Et comment on peut les détester? Comment ça arrive le fait de les détester? Arrive بأشياء بمسبتهم وبنقدهم وبأن تكون وقاعا فيهم تارة بحق وتارة بالباطل. أهل العلم ليسوا كاملين، ليسوا معصومين، لكن رأيت فيهم نقصا فإشاعة النقص في الناس يعني أن لا يأخذ الناس من أهل العلم، فإن ترك الناس أهل العلم لا يأخذون منهم، فمعنى ذلك الجناية على أخذ الشريعة، فممن يأخذ الناس الشريعة إن لم يأخذوها من أهل العلم؟ لهذا جاءت وصية أبي الدرداء عويمر بن عامر رضي الله عنه وهو يقول: اطلبوا العلم فإن عجزتم فأحبوا أهله فإن لم تحبوهم فلا تبغضوهم، ليبقى في القلب إجلال أهل العلم واحترام أهل العلم الذين كلأ صدورهم كتاب الله والعلم بسنة مصطفى عليه الصلاة والسلام. Donc, comment on arrive à détester les hommes de science? Et c'est quoi les aspects du fait de détester les hommes de science? C'est quand on les insulte. Quand on tombe dans leur honneur, on dit n'importe quoi sur leur dos. On les critique. Que ce soit souvent, Hado, les Tkfirin et les Qutbin qui critiquent. Du faux. Ils propagent sur leur dos du faux. Hein? Mais le fait de critiquer qu'un homme de science ou un demandeur de science critique une erreur dans la jurisprudence ou autre d'un homme de science, hada, c'est un conseil, c'est différent. Ce n'est pas ce qu'il veut dire ici. Hein? Cheikh Salah al-Sheikh dans cette Siwasaya d'Yal Abu Darda. Parce que les hommes de science, ce sont des êtres humains. Ils peuvent se tromper. Ils ne sont pas épargnés de l'erreur. Mais si tu vois une diminution dans un acte ou quelque chose qui t'apparaît fausse ou autre, tu ne dois pas la propager chez les gens. Tu ne dois pas diminuer de la valeur de l'homme de science. Parce que si les hommes de science, si les humains, si la communauté délaissent le fait de poser des questions et de prendre la science et les hommes de science, ça veut dire dans ces cas-là, tu as commis un crime vis-à-vis de la législation d'Allah. Si les gens se détournent de la science d'Al Albani, ou d'Al Ibn Baz, ou d'Al Uthaymin, ou d'Al Muqbil, ou d'Al Sheikh Abdel Mohsin Labbad, ou d'Al Sheikh Al Fawzan, ou d'Al Sheikh Salah Al Sheikh, ou d'Al Sheikh Abdel Aziz, ou d'Al Sheikh Taqi Dil Hilali, et ainsi de suite. C'est quoi? C'est donner le dos à la législation d'Allah Azza wa Jal. Qui nous éclaire sur cette législation? Qui nous fait comprendre, qui nous donne les sentences? Hein? Est-ce que toute la communauté sait? Alors la majorité de la communauté fait partie du commun du musulman. Donc ils ont besoin d'hommes de science. Si maintenant on dénigre les hommes de science et les emblèmes de la science et ceux qui portent l'héritage de Mohammed alayhi salam et qui sont dignes de ce nom, si on... comment va devenir la communauté? Il va patauger dans quoi? N'importe quoi. Et dans le doute, et dans le malaise, et dans le déshonneur. Ceci est énorme. D'où ils vont prendre leur législation s'ils ne la prennent pas des hommes de science? S'ils ne la prennent pas des hommes de science. De là est très important le conseil d'Abu Darda, Awaymir radiallahu ta'ala anhu. Il dit, demandez la science. Et si vous êtes incapable, aimez les gens de la science. Et si vous ne les aimez pas, ne les détestez pas. Pourquoi? Pour que notre cœur reste sain. Et pour que reste dans notre cœur le fait de le respect des hommes de science. Le fait de leur réserver la place qu'il aurait dû. Parce qu'ils portent l'héritage de Mohammed alayhi salam. Parce que leur poitrine est remplie de la parole d'Allah azza wa jal et de l'authentique de la sunna du prophète alayhi salam. Et c'est eux qui méritent notre respect. Parce que ce sont nos jalons, une lumière sur la route. أيضا من أقواله رضي الله عنه قال أبي الدرداء قال لأصحابه يوما إني لآمركم بالخير وما كل ما أمرتكم به فعلته ولكني أرجو الأجر بأمركم. Écoute ça aussi bien, ça t'enlèvera beaucoup d'ambiguïté, parce qu'il y a beaucoup, il dit, moi je ordonne pas le bien parce que je le fais pas. L'islam écoute, il dit رضي الله تعالى عنه, je vous ordonne le bien, mais pas toutes les choses que je vous ordonne, je les ai faites, ou là je les ai mis en application. Mais en vous ordonnant, j'espère la récompense par l'ordre que je vous donne. Et ça, c'est, il faut que tu digères ce conseil de Abu Darda. Beaucoup parmi nous, ils ont cité ambiguïté. Non, je ne fais pas le bien, ou là peut-être je fais le mal que je vais ordonner à l'autre. Là, écoute, cette ambiguïté dissipe-la. Avec cette parole d'Abu Darda, je vous ordonne le bien et pas tout ce que je vous ordonne, je le mets en application. Ou là, je l'ai fait, ou là, je le fais. Mais j'espère, avec le fait de vous avoir ordonné, de vous avoir conseillé la récompense. Pourquoi tu te prives de la récompense? وهذا من الفقه العظيم في دين الله عز وجل الذي أتيه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس من أنه يأمر ولا يفعل الذي ذم. Ça, c'est l'énorme compréhension et la noble compréhension qu'avaient les compagnons du prophète alayhi salatu wasalam avec laquelle Allah subhanahu wa ta'ala les a comblés. Et ça ne fait pas partie du fait, hein, de ce geste qui est blâmé, qui est fait d'ordonner de ne pas faire. Là, loin de là. Loin de là. ولكن العبد المؤمن يجمع في امتثاله للشرع بين امتثال الأوامر واجتناب النواهي. Et le serviteur croyant, l'adorateur d'Allah Azza wa Jal, réunit dans sa soumission à la législation le fait de mettre en application et de s'abstenir des interdits d'Allah Azza wa Jal. De mettre en application les ordres et de s'abstenir des interdits. Il fait partie des ordres qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné. Wa huwa alayhi. Et Allah subhanahu wa ta'ala t'a ordonné aussi d'ordonner le bien et de te soumettre au bien et d'accomplir le bien. Donc tu as reçu l'ordre d'ordonner le bien. N'importe comment, Là, tu mets une application à l'ordre de l'âge. Quand tu dis à quelqu'un de faire quelque chose, même si toi tu ne la fais pas. Si maintenant tu as raté le fait de mettre en application, tu n'as pas raté le fait d'ordonner ce bien. Donc, n'importe comment, là, tu es dans les ordres d'Allah. Et le mieux, c'est de faire. Il n'y a aucun doute. لهذا قال الإمام مالك بن أنس رضي الله تعالى وهو من هو إمام دار الهجرة ما كل ما نأمركم به نفعله ولو تركنا الأمر لأجل عدم الفعل ما أمرناكم إلا بالقليل. المعنى أن هذا يمنعهم من النهي عن الحرام؟ لا. Et c'est pour ça que l'imam Malik, rahmatullah alayh, celui qui a pris la voie des compagnons du prophète, alayhi sallallahu alayhi sallam, radiyallahu ta'ala anhu wa arda, l'imam du Dar al-Hijra, il a dit, pas toutes les choses que nous vous ordonnons, nous les faisons. Pas toutes les choses que nous vous ordonnons, nous les faisons. Mais si nous délaissons le fait de vous ordonner, parce que nous n'avons pas mis en application, dans ces cas-là, on ne va pas vous ordonner beaucoup de choses. Hein? Et ça, il faut y voir aussi la modestie aussi de l'imam, rahmatullah alayh. Parce qu'il a fait beaucoup pour la communauté, ne serait-ce que le Muwatta qu'il a écrit, ne serait-ce que les cours qu'il donnait pendant plusieurs années à dans la mosquée du prophète, alayhi sallatu wassalam. Ne serait-ce que tous les élèves qui ont étudié chez lui. Est-ce que cela, ça veut dire maintenant, quand les hommes de science ordonnent, ils ne font pas ce qu'ils ordonnent, cela, ils doivent se taire sur le haram? Loin de là, ils ne se taisent pas. Quand il faut interdire quelque chose, ils l'interdisent. Walakin ahl al-ilm wa ahl al-jihad indahum min ma'rifati al-ahkam ما يرتبون فيه المصالح ويجعلون الحسنات درجات وليس كذلك كل من أمر بمعروف أو نهى عن منكر. ولهذا قال أبو الدرداء رضي الله عنه إني آمركم بالخير وليس كل ما آمركم به فعلته ولكني أرجو الخير بما أمرتكم به. Mais les hommes de science, les hommes qui font des efforts pour cette religion d'Allah Azza wa Jalla et des efforts sur eux-mêmes, hein? Ils ont la connaissance de la législation d'Allah Azza wa Jal. Ils ont les règles avec lesquelles ils organisent les intérêts. Ils mettent les priorités, les règles qui leur permettent de mettre les priorités en avant. Et ce qui doit être en avant, ce qui doit venir en deuxième degré, ce qui doit venir en troisième place et en quatrième place. Et aussi pour obtenir le hasanat, ils savent que le hasanat ont 10 degrés, des places. Donc ils mettent la meilleure en avant. Hein? Et ça aussi, pas tout un chacun qui a ordonné le bien et qui a blâmé le mal est dans cette situation-là. C'est pour ça qu'Abu Darda, radiyallahu ta'ala anhu wa arda, dit, pas tout le bien qu'on vous ordonne, on ne l'a pas fait. Ça ne veut pas dire qu'on l'a fait. Hein? Mais en vous l'ordonnant, on espère la récompense min Allah Azza wa Jal. Donc n'importe comment, il est dans l'obéissance à Allah Azza wa Jal avec le fait d'avoir ordonné ce bien ou d'avoir interdit ce mal. Ya'ni, annahu, yaqulu Sheikh Salah al-Sheikh, hafidhallahu ta'ala, fi tafsiri hadha al-kalam, ya'ni annahu ya'muru bi mustahabbat, ya'muru bi ashiya' min al-khayr yaf'alunaha. وليس كل ما أمرهم به يفعله لأنه منشغل عنه بما هو أهم منه في حقه وأما في حقهم فليس الأمر كذلك بل لا بد أن يكونوا مأمورين بهذا وإذا أتته الفرصة وكان في فراغ من أمره فإنه يرغب في المستحب وفي غير المستحب يعني في الواجب ودرجات الواجب كما قال عز وجل فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب يعني بأنواع الواجبات تقرب إلى الله عز وجل بأنواع الواجبات وأنواع المستحبات. Et Cheikh Salah al-Sheikh de nous dire dans l'interprétation de cette parole d'Abu Darda, il dit, il ordonne ce qui est préférable de faire. Parmi les choses du bien, pour qu'il la fasse, pour que les gens la mettent en application. Et pas tout ce qu'il leur a ordonné, il le fait, parce que lui est occupé avec autre chose qui, pour lui, est beaucoup plus importante. Et à son niveau, est beaucoup plus important, pas son priorité, par rapport à l'ordre qu'il leur a fait. Et vis-à-vis d'eux, et à leur niveau à eux, c'est ce qu'il leur a ordonné, c'est ce qu'il lui estime que il est obligatoire pour eux. Là, comme quoi, il leur aurait ordonné de le faire. Ils sont ordonnés de le faire. Et quand il a l'occasion, et qu'il a terminé tout, il n'a plus de préoccupations, lui aussi accourt vers les surrogatoires et vers ce qui est préférable de faire. Et vers autre chose, vers les obligations et autres, selon les étapes et selon le classement. Il met en priorité ce qui doit être mis en priorité. Comme il est dit dans Surat, Sharah, quand t'as terminé de tes préoccupations ici, accours vers Allah Azza wa Jal. Comment tu accours vers Allah Azza wa Jal? Avec les obligations et avec les surrogatoires. Donc il n'y a aucun doute. Abu Darda, radiyallahu ta'ala anhu, leur conseille, et lui, il fait les choses qui sont prioritaires pour lui, et ouais, il les conseille, il les incite, il leur fait envie, il leur montre les vertus de certains actes, pour qu'ils accomplissent ces actes, que ce soit obligatoire ou surrogatoire. Et lui, quand il a terminé ce qu'il estime important pour lui à ce moment-là, lui aussi, il accourt vers le fait de se rapprocher de Allah, soit avec les obligations, soit avec le surrogatoire. Cela ne veut pas dire qu'il néglige. Loin de là. N'importe comment il fait. Et dans le fait d'avoir ordonné, même s'il ne fait pas ce qu'il a ordonné, ben il a fait. Il s'est soumis à Allah, Azza wa Jal. Parce que lui, il nous est demandé d'ordonner. Et de blâmer le mal. Parce que certains, comme dit Cheikh ici, ne font pas attention à cette parole d'Abu Darda. Il y a cette base fondamentale dans la législation d'Allah Azza wa Jal. فَإِذَا كَانَ عَلَى شَيْءٍ مِنَ الْخَطَأِ قَالَ أَنَا لَا أَمُرُ بِالْخَيْرِ لَأَنِّي لَا أَمْتَتِلُهُ وَلَا أَنْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ لَأَنِّي رُبَّمَا فَعَلْتُهُ وهذا غلط على الشريعة لأنه يجب عليك أن تأمر وتمتثل فإن فاتك الامتثال فلا يفوتك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فلا بد أن تمتثل هذا ولا أن تجتنب هذا فهذا واجب وهذا واجب وإذا فاتك أحد الواجبين فلا يجوز أن تفوت الآخر فاتك واجب لا يجوز لك أن يفوت عليك الآخر donc certaines personnes disent quand ils sont dans l'erreur ils disent moi je n'ordonne pas le bien parce que je ne le fais pas. Je ne le mets pas en application. Et je ne blâme pas le mal, peut-être que moi je tombe dans ce mal. Et ceci, il faut dans la législation de Allah Azza wa Jal. C'est une erreur. Parce que il est obligatoire pour toi d'ordonner et de te soumettre. Il nous est obligatoire d'ordonner et de nous soumettre. Et si maintenant on ne s'est pas soumis, il ne faut pas laisser tomber l'autre ordre, qui est le fait d'ordonner et d'orienter. On n'a pas pu faire, on ne s'est pas soumis. On ne doit pas rater l'autre obligation qui est d'ordonner ce bien et de blâmer ce mal. Donc n'importe comment, il faut qu'on se soumette à mettre en application si on rate le fait de cette obligation. Bah, du moins, on ne rate pas de l'autre côté le fait d'orienter les gens et d'ordonner aux gens de faire cette obligation. Ou de s'abstenir de cette mauvaise chose, etc. On est devant deux obligations. Si on rate une, il ne faut pas rater la deuxième. Il faut mettre au moins en application l'une d'eux. Et ça, souvent tu l'entends dire, moi je ne peux pas faire. Je ne peux pas lui faire conseil parce que moi aussi j'ai des choses. Là, l'islam, c'est pas comme ça. Donc dans ces cas-là, tu as perdu les deux obligations. La soumission et le fait d'ordonner. et le fait d'orienter. Donc tu es passé à côté du bien. Et là, c'est des tlbissettes. Les déguisements de Shaitan, il vient. Hein? Et tlbissettes et les ambiguïtés de certains. ومن قوال أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال لأصحابه مرة استعيذوا بالله من خشوع النفاق قالوا يا أبا الدرداء وما خشوع النفاق قال أن يرى الجسد خاشعا والقلب ليس بخاشع في partie aussi des nobles paroles d'Abu Darda رضي الله عنه il a dit à ses compagnons un jour refugiez-vous auprès d'Allah عز وجل de la concentration de l'hypocrite, de l'hypocrisie. Khushu' al-nifaq. On dit, Abu Darda, c'est quoi cette concentration de l'hypocrisie? Il a dit qu'on voit que le corps, il est concentré, et que le cœur ne l'est pas. Et ça, c'est toi qui le vois de toi-même. Donc, il n'y a que toi qui le sais. C'est vraiment ton cœur, il est concentré ou là, il ne l'est pas. Mais c'est un noble conseil. Ne pas se faire avoir par Shaitan. De se donner une apparence et l'intérieur ne suit pas cette apparence. C'est un noble conseil de la part de ce compagnon du Prophète qui veut le bien pour cette communauté. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أول ما يسلب من هذه الأمة الخشوع. فترى الناس يصلون في المساجد لا تكاد تجد فيهم رجلا خاشعا يقول رضي الله عنه استعيذوا بالله من خشوع النفاق أن أي أن يرى الجسد خاشعا مطرقا في الصلاة ولكن القلب ليس بخاشع هذه حال أهل النفاق لأنهم في الصلاة يصلون مع المسلمين ولكن قلوبهم ليست خاشعة لله سبحانه وتعالى بل يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا Il nous a été rapporté de notre prophète, et une des premières choses qui va être enlevée de cette communauté, c'est la concentration. Pas la seule, la concentration au niveau de l'apparence, la concentration intérieure, c'est celle la plus importante. Tu vois les gens, comme il dit Cher ici, prient dans les mosquées, et dit, tu ne trouves pas quelqu'un de concentré. C'est d'où le conseil qu'il faut mettre en application, ce conseil d'Abu Darda, refugiez-vous auprès d'Allah Azza wa Jal et demandez à Allah Azza wa Jal qu'il vous protège de cette concentration hypocrite. Que le corps soit concentré et tu vois des apparences de concentration dans la personne, mais le cœur ne l'est pas. Et ça dit Cheikh Hafidhahullah Ta'ala, c'est la citation de l'hypocrisie. Et les hypocrites dans la prière sont dans le rang comme tous les musulmans. Mais leurs cœurs ne sont pas concentrés pour Allah Azza wa Jal. Tout simplement par ostentation, ils font les gestes de la prière, ils n'invoquent Allah subhanahu wa ta'ala que peu. Il a ce conseil de Abu Darda, il l'a ramené de sa tête, loin de là. Il l'a ramené de cette compréhension saine que Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné de la parole de son messager alayhi salatu wassalam et de la parole d'Allah. لماذا قال أبو الدرداء استعيذوا بالله من الخشوع النفاق ليقر في قلوبنا ألا نجعل ذلك أمرا مسلما مرضيا به كثيرون من يكون في قلوبهم عدم الخشوع ويكون خشوعهم خشوع بدن وهو يعلم أن قلبه ينازعه إلى أنواع من الكبائر والمنكرات وينازعه إلى أنواع من ترك الواجبات ثم يقول له أبو الدرداء استعيذوا بالله من خشوع النفاق يعني إذا كنت على هذه الحال فلا ترضى من نفسك في هذه الحال بل استعيذ بالله عز وجل واتجه إليه واعتصم به ولذ به أقبل عليه لكي يزيل من ما بقلبك من خشوع النفاق الذي هو أن يكون القلب غير خاشع ترى الناس يصلون ولكن الخاشع منهم قليل كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعبدون العبادة وربما كان من بعدهم أكثر منهم من بعدهم أكثر منهم في العبادة وربما كان من بعدهم أكثر منهم تعبدا ولكن كانوا يتعبدون بقلوب خاشعة لله سبحانه وتعالى لذلك فازوا وكانوا من خيرة الخلق بعد الأنبياء واصطفاهم الله سبحانه وتعالى لصحبة نبيه Pourquoi Abu Darda nous a dit, demandez à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il vous protège de la concentration hypocrite. Pour que ça s'ancre dans le cœur. Et que nous ne soyons pas imbus de nous-mêmes, que dans toute notre situation, quand on rentre dans la prière autre soir, on croit que dans notre cœur, il y a la concentration. Là, pour chercher tout le temps, savoir, est-ce que je suis éveillé? Est-ce que je suis concentré ou là juste l'apparence qu'il l'est? Hein? Parce que, comme dit Cheikh ici, tu vois, certaines personnes, ils rentrent dans la prière. Il sait, le corps il est concentré, mais il sait que son cœur l'attire vers certains péchés, l'attire vers certains péchés capitaux, l'attire vers certaines choses blâmables. Il attire vers le fait de délaisser certaines obligations. De là ce conseil d'Abu Darda qui te dit, réfugie-toi auprès d'Allah Azza wa Jal pour qu'il te protège. De quoi? De cette concentration hypocrite. Et il ne faut pas que tu agrées cette situation. L'apparence est concentrée et le cœur ne l'est pas. Il ne faut pas que tu l'agrées. Tu dois te réfugier. Tu dois demander à Allah Azza wa Jal. Tu dois chercher refuge auprès d'Allah Azza wa Jal pour te protéger de cette situation-là. Et pour te sortir de là. Et t'aider à sortir de là. Il dit, Hafidallah, tu vois les gens, ils sont en prière. Mais peu parmi eux ont la concentration intérieure. Il dit, les compagnons du prophète, peut-être ils faisaient peu d'adoration, mais ils étaient concentrés au niveau de leur cœur. Et peut-être que ceux qui sont venus après eux font beaucoup plus de choses qu'eux, mais ils ont moins de concentration. Qu'est-ce qu'il a dit, Rasulullah sallam al-Khawarij? Vous allez, il a dit, au meilleur de la communauté, vous allez négliger votre prière à côté devant la prière d'Al-Khawarij. Et pourtant, ils étaient à côté de la plaque. Vous allez négliger votre lecture du Coran à côté de la leur. Ils embellissent leur voix avec la leur. Mais ça reste au niveau de leur gorge, ça ne rentre pas dans leur cœur. Hein? La chose qu'il faut prendre en considération, l'acte, cette concentration du cœur, le travail du cœur, où il en est dans nos actes, dans notre prière et dans tout ce que nous faisons. لهذا لما قيل للحسن البصري رحمه الله تعالى ورضي الله عنه هؤلاء التابعون ومن هم ناس عاشوا في قرن فضله الله وفضله رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين أي التابعين ثم الذين يلونهم يقول قيل له هؤلاء التابعون أكثر عبادة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف كان الصحابة أرفع منهم منزلة قال الحسن كان الصحابة يتعبدون والآخرة في قلوبهم هذا الفرق وأما هؤلاء فيتعبدون والدنيا في قلوبهم وشتان ما بين هذا وهذا ولو كان الحسن بصر معنا شي قلنا ذروك مش هي الدنيا اللي دخلت عنا الزنا ما بالدنيا ولا تهزنا ماشي دخلت عنا غرقتنا طوفان لهذا ابو الدرداء كان يقول رضي الله تعالى عنه وارضاه يا حبذا نوم الاكياس وافطارهم كيف يغبنون سهر الحمقى وصومهم ولم يتقال ذره من بر مع تقوى ويقين اعظم وارفع عند الله من امثل الجبال عباده من المغطرين المقصود خشوع القلب وخشوع القلب معناه استكانته وإقباله وخضوعه وسكونه لله عز وجل كنت أنا دومون ديال الحسن البصري رضي الله تعالى عنه وارضاه Voici les successeurs du compagnon du prophète de qui on va lui poser la question sur qui sur une génération qui a reçu l'éloge min Allah et de son messager qui a dit la meilleure des générations c'est la mienne et celle qui la suit. On lui pose la question sur ceux-là qui ont reçu l'éloge min Allah Azza wa Jal et de son messager. Il dit, voici les successeurs des compagnons du prophète font plus de ibadah et plus d'adoration que les compagnons. Pourquoi les compagnons sont plus nobles qu'eux? Ils sont à des degrés plus qu'eux. Hassan al-Bsri, avec cette compréhension avec laquelle Allah subhanahu wa ta'ala l'a doté, il a dit, les compagnons du prophète, quand ils faisaient, ils adoraient Allah, ils avaient le delà dans leur cœur. Ils avaient le delà, ils pensaient à le delà. Dans leur cœur, il faut y avoir le delà déjà. Les comptes, Hein, le paradis pour faire, hein, pour faire au mieux leurs actes. L'enfer pour avoir plus peur d'Allah, etc., etc. Et la présence, dans leur cœur, il y avait le delà. Et il dit, quant à ceux-là, ils adorent Allah, Zawajal, en ayant dunya dans leur cœur. C'est ça. Et il a dit, il y a une grande différence entre eux, les compagnons et Hadou. Si Hassan al-Basri a dit ça dans l'une des meilleures générations de l'humanité humaine après les prophètes, qu'est-ce qu'il en est de nous? Nous, c'est pas dunya qui est dans notre cœur. On est englouti par dunya, un déluge de djel. Dunya nous a englouti. C'est pas dans le cœur seulement. On est submergé par dunya. Si le Hassan al-Basri nous voyait comment on est dans notre dunya. Hein? Alors, la situation. Il faut, de temps en temps, qu'on voit ce qu'il y a dans ces 250 grammes de chair. Hein? C'est que 250 grammes. Mais tout tourne autour de ces 250 grammes qui sont dans le cœur. Il faut qu'on voyons ce qu'il y a dedans. Parce que si il y a taqwa, hna, dans le cœur, ça jaillit sur les membres. Si hada, il est plein d'yal kharab et des histoires à dormir debout, ben c'est ce que tu vois devant toi. S'il est plein de foi et chaque fois tu renouvelles cette foi dans ton cœur et tu vois ce qui se passe dans ce cœur et tu le nettoies de, des ambiguïtés, des choses mauvaises, etc. Des mauvaises... C'est sûr que faut que nous nous penchions de cet ordre, ce conseil d'Abu Darda, radiyallahu ta'ala. Il disait, souvent il répétait cette phrase, il préfère le sommeil de ceux qui sont doués de raison et leur, le fait de ne, qu'ils ne jeûnent pas. Que la fatigue et les veillées trop longues de ceux qui sont fous et qui jeûnent, etc. Ils sont fous. Un fou, il jeûne. Et qu'est-ce qu'il a? Déjà, ouais, le qalam il est marfou, allez, oh là là. Il n'y a rien qui lui est imposé au fou. Les obligations ne sont pas pour le fou. Ou là, de l'autre côté, ceux qui font beaucoup d'actes, mais qui ne sont pas dans la législation de Mohammed alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Ils sont sans concentration et rien du tout. Qu'est-ce qu'ils héritent de leurs actes? Des actes qui sont dans l'innovation, qu'est-ce que je leur rapporte? La fatigue. Leur commerce, il est sans bénéfice. Mahboun. Hein? Ben c'est pour ça. Il dit, radiallahu ta'ala, un atome d'actes avec dévotion et piété et certitude est mieux, inshallah, azzawajal, que des montagnes d'adoration de gens qui sont imbus d'eux-mêmes. Des montagnes d'adoration de gens qui sont imbus. Des montagnes d'adoration, bien sûr, d'actes d'adoration qui ne correspondent pas à ce que Allah subhanahu wa ta'ala veut, dans lequel il n'y a pas la sincérité et le suivi. C'est ce qu'il veut. Moi, quelqu'un qui fait des œuvres qui sont dans le suivi et qui, de Mohammed alayhi sallallahu alayhi wa sallam et qui sont dans la sincérité, il n'y a pas de problème que... Hein? Enfin, de là, les conseils d'Abu Darda et d'autres parmi les compagnons sont très importants pour nous autres communautés de l'islam. Et pour tout un chacun qui respecte sa raison et qui veut la voie droite, il faut que nous nous penchions sur les paroles de ces nobles compagnons. Et ce qui est voulu ici de la dévotion, de la concentration, c'est la concentration du cœur à l'islam. Et la concentration du cœur, c'est-à-dire sa quiétude, son calme, et le fait qu'il voit les choses, hein, et que tes actes émanent d'un cœur qui te pousse à faire ces choses-là. Le fait que ton cœur réagit à ta bonne œuvre. Chaque fois que tu... Rasulullah s.a.w. dit « Daqat amal iman ». Man radiyya billahi rabban ou l'islam dinu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il a goûté le goût exquis de la foi. La foi a un goût exquis. Celui qui agrée Allah et qui agrée, hein, comme seul digne d'être adoré, et celui qui agrée l'islam comme religion, Muhammad alayhi wa sallam comme messager. Mais ce goût exquis, comment on l'explique les hommes de science? Il dit que chaque fois que tu fais un acte, tu le fais en étant réjoui. Tu es en train de lire le Coran, tu n'as pas envie de quitter la parole d'Allah Azza wa Jalla. Tu viens de prier Salat al-Dhuhr et toute ton envie c'est de reprier Salat al-Asr. Et ainsi de suite. Chaque fois que tu fais une bonne œuvre, tu n'as pas envie de la couper et tu attends l'autre bonne œuvre pour l'accomplir. Hada le goût exquis de la foi. C'est de te pousser en avant. Hein? Et qu'aucun acte ne te soit lourd. Que tout ce que tu fais dans ta soumission à Allah, Zawajal, tu sois léger. Et tu le fais en étant réjoui. En ayant, hein, en étant en étant content parce que tu as accompli quelque chose que Allah subhanahu wa ta'ala t'a demandé, parce que tu vas vers l'agrément de Allah azza wa jal. C'est pour ça يجب علينا أن نستعيد بالله من خشوع أهل النفاق. اللهم إنا نعوذ بك من خشوع أهل النفاق. اللهم اجعل خشوعنا خشوع أهل الإيمان ظاهرا وباطنا. Ça, il nous est demandé. Il faut que nous cherchions refuge auprès d'Allah Azza wa Jal de cette concentration de l'hypocrisie. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Qu'il nous donne une concentration des gens de la foi, une concentration intérieure. ومن أقوال أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال رحمه الله ورضي الله عنه وقد مر على رجل عمل ذنبا وحوله أناس يسبونه رجل عمل ذنبا وعمل بذنبه أناس ومر عليهم أبو الدرداء وهم يسبونه فقال لهم أبو الدرداء وهو البصير بعلاج البعد عن الدين وعلاج أهل العصيان وعلاج أهل القلوب المريضة فقال لهم أرأيتم لو وجدتموه في قاع قليب ألم تكونوا مخرجيه منها؟ قالوا بلى. قال فاحمدوا الله الذي عافاكم ولا تسبوا أخاكم. Il fait partie aussi de cette leçon qu'on doit retenir des leçons de Abu Darda رضي الله تعالى. C'est qu'un jour il est passé, il a vu des gens insulter quelqu'un qui est tombé dans un péché et il l'insultait. Il a fait ce péché, les gens ont su ce péché parce qu'il y a des gens qui ont suivi cet homme dans ce péché. Et les gens l'insultaient. Et Abu Darda, qui avait cette clairvoyance min Allah Azza wa Jal, et cette compréhension de cette religion, et il savait comment faire guérir les cœurs, et comment orienter les gens, et comment pallier à toute lacune, ou lacune qu'il y a dans la société, il les a orientés. Ces cœurs malades, il les a orientés, il leur a dit, regardez, si vous le trouvez dans un fossé ou dans le fin fond d'un puits, vous allez le sauver ou pas? Ils lui ont dit, certes, on va le sauver. Est-ce que vous allez le sortir de ce gouffre dans lequel il est tombé? Dans ce ravin ou là dans ce puits dans lequel il est tombé? Vous allez l'en sortir ou pas? Il lui a dit, faites les louanges à Allah subhanahu wa ta'ala qui vous a épargné, qui vous a guéri. Hein? Et qui a fait en sorte, Allah subhanahu wa ta'ala vous a préservé de ne pas faire de péché. Et ne insultez pas votre frère. Et n'insultez pas votre frère. احمد الله الذي عافاكم ولا تسبوا أخاكم لكن انظر إلى تمثيله بأن أهل الإيمان إذا وجدوا رجلا قد وقع في ذنب فإنهم لا يتركونه بل مثله بما كان في قليب لا يجد من ينجيه منها في قاع قليب فماذا يفعل أهل الإيمان مع أخ لهم وقع في مهلكة أي سبونه ويقولون لم تدخل هذا القليب ولم تجعل نفسك هكذا إلى آخره لا بل يسعون في نجاته ويحرصون على ذلك. Regardez comment ce médecin des cœurs et comment il oriente la communauté. Faites les louanges à Allah subhanahu wa ta'ala qui vous a épargné de ne pas faire les mêmes péchés que lui. Ne l'insultez pas. Mais regarde cet exemple qu'il a donné aux hommes de foi. Il a dit, l'exemple qu'il a donné aux gens de foi, c'est quand ils trouvent quelqu'un dans un gouffre, ils ne le laissent pas dedans, ils le sauvent de ce gouffre. Même chose, quelqu'un, ton frère, il tombe dans un péché, tu l'aides à sortir de ce péché. Tu l'enfonces pas. Pas tu arrives à quelqu'un qui ne sait pas nager, il est tombé ou là, il a cru que l'eau n'était pas profonde. Il sait pas nager. Il a cru que l'eau, ça va lui arriver au niveau de sa partie intime ou là au niveau de... Il est tombé dans l'eau. Et il commence à se noyer. Ton rôle, c'est toi, tu sais nager. C'est de le sauver, de le sortir de là. Pourquoi tu es rentré dans l'eau? Qui t'a amené à rentrer dans l'eau? À quoi ça sert? Tu le laisses s'enfoncer. La même chose. On a quelqu'un qui tombe. On va pas commencer à le réprimander, etc. On va essayer de le faire comprendre. Et à l'aider à sortir de ce péché. Et utiliser le moyen adéquat. Regardez l'exemple qu'il a donné. Hein, quoi? Est-ce que s'il tombe dans un fossé, vous allez le laisser? Non, vous allez le sauver. Ben, la même chose. Hein? Les paroles de des compagnons du prophète Ali Sallam sont toutes des leçons, du début jusqu'à la fin. Nous devons être motivés et s'acharner à essayer de sortir nos frères et à les aider à sortir par n'importe quel moyen et utiliser les moyens adéquats pour les sortir de la situation dans laquelle ils sont. Que ce soit au niveau de la drogue, au niveau de l'alcool et autres, etc. Hein? إذن فالسلبي هو الذي يسب. إنما مسبة العاصي لا تجوز في الشريعة. بل نسأل الله سبحانه وتعالى لإخواننا الهداية، ونحمد الله الذي عافانا، ثم نسعى في أن ننقذهم من شر الذنوب والعصيان، لأنهم ما أذنبوا إلا بوقوعهم فريسة لمكر إبليس، عدو الله وعدونا. دوك celui qui est mauvais c'est celui qui insulte. Il voit quelqu'un qui est dans le péché, il l'insulte. Et le fait d'insulter quelqu'un qui est dans le péché n'est pas permis dans la législation de Allah Azza wa Jalla. Il n'est pas permis d'insulter quelqu'un qui tombe dans l'adultère ou la kibonite, il n'est pas permis de l'insulter. Mais ce qui est permis, ce qui est demandé de se faire dua, de remercier Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir guidés, de faire dua pour qu'il guide nos frères et qu'il les guérisse et qu'il les sorte des choses dans lesquelles ils sont. Et qu'on fasse ce qui est selon nos capacités et selon nos moyens pour les sortir de ce mal dans lequel ils sont. Le mal de la désobéissance, le mal des péchés, etc. Car s'ils sont tombés dans le péché, c'est parce qu'ils sont des victimes d'Ir Shaitan, qui est notre ennemi aussi, et qui est le leur, qui est l'ennemi d'Allah Azza wa Jal. Iden, هذه الوصية من أبي الدرداء رضي الله وصية عظيمة. إذا رأيت أحدا وقع في معصية فلا بد أن تبدل له السبب. وإذا نظرنا أيها الإخوة في زماننا هذا وجدنا أن كثيرين يسمعون بأناس وقعوا في معصية فتجده يقول هذا وقع في كذا وهذا وقع في كذا وهذا يدب ويسافر ويفعل كذا وكذا وهذه العائلة حصل منها كذا وكذا وتراه ينتقد بشدة ويسب وربما استهزأ والعياذ بالله. وإذا سألته ما الذي عملته لإخوانك في تركهم بهذه الذنوب تجده يقول لك لم أفعل شيئا. Ce conseil est noble. Ce conseil, frère en Allah, c'est un énorme conseil de la part de Abu Darda, radiallahu anhu. Tu trouves quelqu'un qui est tombé dans la désobéissance, il faut que tu fasses ce qui est dans tes moyens. Tu utilises les moyens que tu as pour l'aider à sortir de là. Mais quand on voit ce qui se passe dans notre monde contemporain maintenant, beaucoup de gens voient quelqu'un qui tombe dans les péchés. Tu n'entends que, ils ne médisent que sur son dos. Il a fait ceci, il a été avec la fille de tel, regarde les enfants de ceci, ils font cela, ils voyagent en Thaïlande pour aller tatati faire ceci, cela, etc. Que de la critique. Et des insultes. Et peut-être ils se moquent. Et si tu lui poses la question, qu'est-ce que tu as fait pour les aider, pour les orienter? Il dit, par Allah, j'ai rien fait. Ben alors tais-toi. T'as rien fait, tais-toi. C'est tout. إذن كان وسيلة هذا بفعله هذا وبكلامه هذا كان وسيلة من وسائل الشيطان أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال من قال هلك الناس فهو أهلكهم، يعني كان بمقامه ذلك سببا في هلاكهم. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن نتحدث بكل ما سمعنا، فقال عليه الصلاة والسلام من حدث بكل ما سمع فهو أحد كاذبين أو أحد الكاذبين. فلا بد أن نسعى في إصلاح الغلط وفي نصح أهل الذنب وأن نكتم الذنوب وننشر الخيرات ويكون. إذا رأينا رجلا يفعل الخير فلنقل فعل كذا من الخير، فإنه بذلك ينتشر الخير ويكون الناس يقتدي بعضهم ببعض في الخير. وأما إذا نشرنا الشر فإن الناس يتساهلون بالشر فيقول نعم فلان فعل كذا من المعاصي، فلان فعل كذا وهذا فعل كذا، فيظن الظن أن الشر أكثر من الخير فيتساهل فيقع في الشر فيقبل عليه. رحم الله أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه وارضاه، ورحم الله صحابة رسول الله ورضي عنهم، ورغم أنف من يسبهم وبغير الجميل يذكرهم. دونك كنت كلكان raconte et insulte celui qui est tombé dans le péché. Il a été un des moyens d'Ir Shaitan. Et Rasulullah nous a dit dans un hadith, celui qui dit que les gens sont mauvais, c'est lui qui les a rendus mauvais. Dites pas, en agissant ainsi dans sa position, avec le fait d'avoir dit, il a été un des moyens pour les rendre mauvais. Et Rasulullah nous a interdit de propager tout ce que nous entendons. Il a dit, celui qui propage tout ce qu'il entend, c'est l'un des menteurs. Il fait partie des menteurs, dans une autre version. Hein? Donc, notre devoir, c'est d'accourir à ramener le bien, à ramener la personne vers la voie du bien. S'il tombe dans l'erreur, il tombe dans le péché, etc. Et qu'on cache les péchés. On ne les divulgue pas. Et on parle du bien, pour que les gens croient que c'est le bien qui prime. Et donc, ils vont accourir vers le bien. Mais maintenant, si on propage dans le milieu que le mal, ben les gens ils vont croire que c'est le mal qui a pion sur rue. Et donc, ça va être facile pour eux de tomber dans le mal. Ils vont faire le mal. Parce que les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils suivent la majorité, au moins. Elles, ils suivent. Et si on ne fait que parler du mal, dans ces cas-là, « Fahadi a mawa'idu » أبي الدرداء يقول رضي الله تعالى عنه وارضاه لو تعلمون ما أنتم راؤون بعد الموت لما أكلتم طعاما بشهوة على شهوة ولا شربتم شرابا على شهوة ولا دخلتم بيتا تستظلون به ولا خرجتم إلى الصعودات تضربون صدوركم وتبكون على أنفسكم ولو وددت أني شجرة تعضد ثم تؤكل. أسمع أخ الإسلام من مواعظه رضي الله تعالى عنه وارضاه يقول: écoute, frère en Allah, Azza wa Jal, parmi les exhortes, ces paroles que disait Abu Darda, rapportées dans le kitab Zuhd, l'imam Ahmed. Si vous savez ce qui vous attend et ce que vous allez rencontrer après la mort, vous n'allez pas manger un plat avec plaisir. Vous n'allez pas boire avec plaisir. Et vous n'allez pas rentrer des maisons dans lesquelles vous allez vous abriter du chaud, là, du froid. Vous allez sortir dehors, à frapper sur vos poitrines, et vous allez pleurer sur vous-même. Et il disait, j'aurais préféré être un arbre. Qu'est-ce qu'on utilise, et point final. Et qui dit ça? J'aurais préféré être un arbre. Abu Darda, radiyallahu ta'ala. Malgré que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il est... Il l'a désigné étant le cavalier de la communauté. Il l'a désigné étant le sage de la communauté. Et regardez, où sommes-nous de ce genre de leçons d'Abu Darda, radiyallahu ta'ala. Ajal. لو يعلم كل منا ما يكون بعد الموت حق العلم من قبر وحشر وحساب وجزاء ما أكل ولا شرب ولا نام ولكن الكثير منا في غفلة. Certes, c'est beaucoup parmi nous se rappellent et savent réellement ce qu'il nous attend dans la tombe, la résurrection, les contes, etc. Ben, nous ne prendrons pas plaisir aux choses de ce bas monde. Mais beaucoup parmi nous sont insouciants. C'est pour ça que قال القائل وصدق فيما قال أما والله لو علم الأنام لما خلقوا لما هجعوا ولا ناموا لما هجعوا وناموا لقد خلقوا لأمر لو رأته عيون قلوبهم تاهوا وهاموا ممات ثم قبر ثم حشر وتوبيخ وأهوال عظام ليوم الحشر قد عملت رجال فصلوا من مخافته وصاموا ونحن إذا أمرنا أو نهينا كهل الكهف أيقاظ نيام. Il est belle cette parole. Et je ne donnerai pas le goût ni la traduction. Je te laisse apprendre ton arabe pour que tu puisses goûter à ce genre de texte. Il faut que tu l'apprennes pour goûter à cette valeur dans cette poésie dans la langue des Arabes. Il faut. Wa qala radiyallahu anhu man akthara dhikra al-maut qalla farahuhu wa qalla hasaduhu. Il a dit radiyallahu ta'ala, celui qui se rappelle toujours la mort, sa réjouissance va diminuer et sa jalousie va diminuer. Qu'est-ce qui fait la haine dans la communauté entre les frères et les sœurs, etc.? C'est non la jalousie. Ici, on suit ce conseil de Abu Darda radiyallahu ta'ala anhu, qu'est-ce qui va nous arriver? Ben, notre jalousie va diminuer. Donc nos problèmes vont diminuer aussi entre nous. وقال رضي الله عنه أضحكني ثلاث وأبكاني ثلاث. Il a dit رضي الله عنه, trois choses l'ont fait rigoler et trois choses l'ont fait pleurer. أضحكني مؤمل بالدنيا والموت يطلبه وغافل ولا يغفل عنه وضاحك ملء فيه ولا يدري أصاخت به Asakhitun Rabbuhu Amradin. Il a dit, trois choses m'ont fait rigoler. Les choses qui m'ont fait rigoler, quelqu'un qui a de l'espoir dans ce bas monde, alors que la mort le demande. Et lui, il espère dans ce bas monde. Amasser, il veut faire, etc. Et quelqu'un qui est insouciant alors, qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'observe. Et quelqu'un qui rigole de toutes ses forces, il rigole de toutes ses forces. Il ne sait pas si son Seigneur l'agré ou son Seigneur n'est pas content de lui. Si Allah est content de lui, là il n'est pas content de lui. Non. Ça, ce sont les trois choses qui ont fait rigoler Abu Darda. Et trois choses l'ont fait pleurer. وَأَبْكَانِي هَوْلُ الْمَطْلَعِ وَانْقِطَاعُ الْهَمَلِ وَمَوْقِفِي بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ لَا أَدْرِي أَيُؤْمَرُ بِي إِلَى الْجَنَّةِ أَمْ إِلَى النَّارِ. Et il a dit, trois choses m'ont fait pleurer, c'est que ce qui va arriver, la mort, et le fait que mes actes vont se couper, et le fait que je vais être de vous devant Allah Azza wa Jal, et je ne sais pas qu'est-ce qu'il va être de moi, est-ce que c'est le paradis ou l'enfer. Ça, c'est le leçon. Il les exhorte de Abu Darda, radiyallahu ta'ala. Ah, c'est l'un des hommes, et des nobles hommes, il fait partie de ces nobles hommes, dont la voix, c'est la seule voix qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée. وقال رضي الله عنه أخوف ما أخاف يوم القيامة أن يقال لي أعلمت أم جهلت. C'est la chose que je crains le plus le jour de la résurrection. C'est qu'on me dise, est-ce que tu as su ou là tu étais ignorant. فإن قلت علمت لا تبقى آية آمرة أو زاجرة إلا أخذت بفريضتها الآمرة هل ائتمرت والزاجرة هل ازدجرت. Il dit, si je disais j'ai su, dit, non, tout un verset, les questions vont m'être posées sur chaque verset. Le verset qui ordonne, est-ce que tu as fait ou pas? Le verset qui t'avertit, est-ce que tu t'es tenu ou pas? Regardez la vision, regardez la clairvoyance. فَعُودُ بِاللَّهِ فَيَقُولُ رَضِيَ اللَّهُ فَعُودُ بِاللَّهِ مِنْ عِلْمِ اللَّهِ يَنْفَعْ وَنَفْسِ اللَّهِ تَشْبَعْ وَدُعَاءِ اللَّهِ يُسْمَعْ. Et il dit, Allah subhanahu wa ta'ala me préserve. Et nous devons faire ce dua. Allah subhanahu wa ta'ala me préserve d'une science qui n'est pas bénéfique. Et d'un ego qui n'est pas rassasié. Et d'un dua qui n'est pas écouté. وقال رضي الله عنه ابن آدم طأ الأرض بقدمك فإن عن قليل ستكون قبرك. Il dit, fils d'Adam, marche sur la terre avec tes pieds. Demain, tout à l'heure, il sera ta tombe. Ibn Adam, innama anta ayyamun, fa kullama dhahaba yawmun dhahaba ba'duka. Et il disait, radiyallahu ta'ala, anhu, Allah, fils d'Adam, tu n'es que 10 jours. Chaque fois qu'il y a un jour qui part, c'est une partie de toi qui est partie. Radiyallahu ta'ala, anhu, Allah. Est-ce qu'on se rend compte de ça? Il y a parmi nous qui dit, ah, j'ai 35 ans aujourd'hui, j'ai 40 ans aujourd'hui. Tu sais pas, c'est cette année que tu viens d'enterrer, tu sais pas dans quoi il a été enterré. Et regarde, Abu Darda, chaque jour qui part, c'est une partie de toi qui est partie. Ibn Adam, innaka lam tazal fi hadmi umrika mundu waladatka ummuk. Il disait, radiyallahu ta'ala, tu, fils d'Adam, tu es en train de détruire ton âge, ta vie, depuis le jour que ta mère t'a mis au monde. Nasiru ila al-ajal fi kulli lahzatin. وأيامنا تطوى وهن مراحله ولم أر مثل الموت حقا كأنه إذا ما تخطته الأمان يباطل وما أقبح التفريط في زمن الصبا فكيف به والشيب للرأس شاعل ترحل من الدنيا بزاد من اتقى بزاد من التقى فعمرك أيام وهن قلائل. ويقول رضي الله تعالى أن تقول أم الدرداء لما احتضر أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه وارضاه جعل يقول من يعمل لمثل يوم هذا. أم الدرداء la femme d'Abu Darda nous dit que le jour où l'agonie de la mort est venue prendre, quand il était en agonie de mort, Abu Darda disait, qui œuvre pour la même journée que je suis en train de vivre? Qui œuvre pour cette journée-là que je suis en train de vivre? من يعمل لمثل ساعة هذا. Qui œuvre pour cette heure que je suis en train de vivre? Il attire l'attention, il donne des conseils. من يعمل لمثل ما جعي هذا. Qui œuvre pour le jour où il sera étalé? Même sur le lit de mort, il donne des conseils à la communauté. Tu vois pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala ne fait que la voix, ce soit leur voix. Dans tout, du début de leur vie jusqu'à la fin de leur vie, des conseils à la communauté. ثم يقول رضي الله تعالى عنه ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. Ils disent, radiyallahu ta'ala, nous, alors qu'il était sur l'agonie de mort, après avoir dit, qui va faire, qui œuvrera pour cet instant que je suis en train de vivre, il dit, nous allons tourner leur cœur ainsi que leur visage, comme ils n'ont pas cru à cet ordre la première fois. Parce que beaucoup parmi les Quraysh ne croyaient pas en la mort. C'est que c'est tout simplement leur vie, après ça va, ils vont être des poussières. وكان أبو الدرداء رضي الله عنه يقعد إلى القبور فقيل له في ذلك فقال أجلس إلى قوم يذكرونني معادي وإذا قمت عنهم لم يغتابوني. أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه يسسيه dans les tombes, dans les cimetières, et on lui dit pourquoi tu y vas. Il dit je m'assis vers des gens qui me rappellent mon but, qui me rappellent ma fin, et quand je me lève de chez eux je les quitte, ils ne me disent pas sur mon dos. Sallallahu subhanahu wa ta'ala ja'alna wa iyyakum alladhina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana. Subhanak Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa salli Allahumma wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barakallahu fikum wa ahsanallahu alaykum wa jazakum.